Ouais, ouais. Kevin Prototype. Dans la place. Yo. Ah, Kevin. Laisse-moi sombrer loin de la lumière. Laisse mon cœur chavirer dans l'obscurité. Je ne veux plus respirer ton air. Tu m'étouffes, je manque d'oxygène. Quand je te vois, je suis rempli de haine. Mon cœur se serre, mon cœur saigne. Éloigne-toi de moi, que cette souffrance cesse. Je ne peux vivre sous ton règne. Je me sens emprisonné dans une cage de verre. Au final, pourquoi vivre sous ta loi? J'ai tellement tant fait pour nous. Je te croyais en toi, en nous. Mon cœur saigne, mais tu l'ignores. J'aurais tout donné jusqu'à ma mort. Tu ne le vois tellement pas, car tu ne penses qu'à toi. Mon souvenir me hante tant, jour comme de nuit je t'entends. Tous ces souvenirs me déchirent le cœur. Vivre avec toi, ce n'était que malheur. Qu'est-ce que je suis envers tes yeux? Je t'en prie, je voudrais tant une réponse, mais tu me la donneras jamais cette réponse, car toi-même tu ne la connais pas, et ça me fait tellement peur. Je te fuis dans l'ombre car j'ai mal. Amour, souffrance, violence, qu'est-ce que l'amour, le vrai? Violence, amour, souffrance, pourquoi cette haine, dis-moi ?